l'heure de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Iri, c'est le moment de Hind à Brezonek, Kentel. Pemkandau, c'est joli ça. Oui, 502. 502. Voilà. Alors aujourd'hui, pour Guerriou Orvue, j'ai pensé parler du nom d'un oiseau que de saison. Ah. Devine. Le coucou. Bah oui, voilà. Clévet de Pesnan. Hein, Muskeroas, dans Madeleine de Sclévenan. Clévet de Mesman, mais... D'ailleurs, on va dire Clévet Mesney, parce que c'est féminin en breton. D'accord. Voilà. Bon. Alors c'est coucouc. Ouais. Coucouc. Donc comme je l'ai dit, c'est féminin en breton, donc on dit orgoucouc. Donc on dira Clévet Mesney, c'est vrai. Il y a un pluriel qu'on n'emploie pas souvent, coucouguet. Hein. Voilà, alors c'est un... L'étymologie, bah, c'est une onomatopée. Hein. On trouve ça dans pas mal de langues, hein, comme en français. Hein. Coucou. En allemand, c'est pratiquement le même mot qu'en breton. C'est coucouc. Voilà. Mais c'est féminin, c'est masculin en allemand, comme en français. Der coucouc. Voilà. Donc c'est venu du chant de l'oiseau, hein, qui à certains moments est vraiment coucou. Des fois, c'est tocoplouse aussi. Tocoplouse, tocoplouse. Ça veut dire quoi, ça? Le chapeau de lapin? Chapeau de paille, ah, ouais. Au pluriel. Tocoplouse, tocoplouse. Et en fin de saison, c'est coscoucou, coscoucou, vieux coucou. Voilà. Alors, c'est, bien sûr, c'est l'animal symbole du printemps. Hein, voilà. Il y a pas mal de chansons sur le coucou. Hein. À Pemrit, on disait « Pévère, uskoul, su leur bleu, niouvé, goucou, bakermonou ». A benzule, hazimodo, neuzer barouz, neusgredendro. Voilà, c'est-à-dire que pour le dimanche des rameaux, il est à Kermenou. Et que pour le dimanche des... Alors, le dimanche des rameaux, c'est 8 jours avant Pâques. Hein, et pour Quasimodo, 8 jours après Pâques, il a fait le tour de la paroisse. Neuzer barouz, neusgredendro. Voilà. Il y a aussi alors beaucoup d'expressions avec le coucou. Skulfader goukouk. C'est les intempéries de fin d'hiver hein, et de début du printemps. Skulfader, goukouk. Voilà. Alors, toujours dans la tradition orale, le coucou arrive à peu près au moment où la bécasse s'en va. Rieve la bécasse. Hein. Donc, il y a des petites chansons comme ça qui rapportent un dialogue entre le coucou et la bécasse. Le coucou demande, par exemple, en arrivant, Petrazone vea breis, et la bécasse, qu'est-ce qu'il y a de neuf en Bretagne? Et la bécasse répond, tant à mogel zo aleis. Il y a du feu et de la fumée, en grande quantité. Voilà. Alors. La bécasse, elle niche pas en Bretagne. Non, il y en a quelques-unes, paraît-il. Ouais. Voilà. On parlera de la bécasse une autre fois. Il y a beaucoup de choses à dire aussi. Alors, selon la tradition, c'est le plus grand menteur qui entend le coucou en premier. Alors, vro nini gaouyetan ne glaive goukou de djantan. Alors, il y a beaucoup de chansonnettes et de rimadelou, hein, de petites rimes comme ça au sujet du coucou. Et des chansons souvent sur des rythmes assez enjoués. Par exemple, en anglais, la chanson du coucou a été reprise pour la musique de Laurel et Hardy. Ah oui. C'est moi Laurel, c'est toi Hardy, c'est hein. C'est toi le gros, c'est moi le petit. Voilà. Hein, ça c'est une chanson du coucou. Voilà. Alors des expressions aussi. Huari coucou. Ah oui. Huari coucou. Pour désigner faire l'amour quoi. N'est que bras potré de huari coucou qu'on a mérite. C'est un exemple. Alors, il y a beaucoup de plantes qu'on appelle coucou. Alors, c'est pas très précis hein, au point de vue botanique, parce que on en appelle pas mal comme ça. La jacinthe sauvage, par exemple, dans certains coins, on appelle bleuignot coucou. Hein. Les orchidées aussi, hein, souvent s'appellent bleuignot coucou, les orchidées sauvages. Il y a la prime vert à tige aussi. Hein. C'est pas la prime vert à col, c'est celle qui a une tige longue là, qui est plus rare. Qu'on appelle aussi bleuignot coucou. Il y a baracoucou aussi, c'est l'oxalis, ah ouais. Hein, le shamrock des Irlandais. D'accord. Voilà, qu'on appelle baracoucou. Et puis pour terminer, crinche coucou, le crachat de coucou. Hein, donc c'est le mucus qui protège la larve de cicindelle. Là, on voit ça hein, comme un crachat sur les feuilles. D'accord. Crache coucou, crachat de coucou. Eh ben, grand même on tombe trop waragoucou. Voilà. Et on a appris plein de choses. Le coucou des frères Morvan. Bah, coucou. Voilà. Joli coucou. On passe à la seconde partie. Seconde partie de Hinterbrezhoneck. On part, il me semble, en comparaison de Tolloc aujourd'hui, oui. Henri. Jean-Nic est allé voir Iwan Ledu, donc le recteur de Zantolloc, qui a célébré une fois de plus le pardon de Saint-Hernin, le premier dimanche de mai, donc à Kerizel. Alors on les écoute. Salut toi, troupeur, son. Pénonce mon compte. Matré, Jean-Nic, matré. L'arrêt d'Inta. Trémédenma, des pardons de Zanterne, bas chapelle Kérisel. Matré, Chornik, Kalzadut Zobit, banaverne de Beuré, à Tchimedel, ou à vie de Gousper ou de Nabde, à Kalzadut de Zochomet et vie de Huariou. Pesse Huariou. Ah, j'ai chat de Noir Gordon, Reda de Guardroth, Basiout, Gouren, Tulmin Pouez, Zevelen Arel, ag concours boule ou Evel juste. Kroget man neus un tantad. Ah ya, roi de oisir mat. Ah. A quand ne rien dut? Ya, quand ne rien dut de blichte, quand ne rien dut, vel da square, cantique zandern, hein. Ozandern, war un ton zeuil. Ben blav, au gré de pardon de roi, ce que na? Ya, m'avait bolon te doux et bon prêt, chandic. Et on reprend, phrase à phrase, ce dialogue sur le pardon de Saint-Hernin, à la chapelle Kérisel de Zantolloc, dialogue entre Chandic et Iwan Andu, le recteur. Salut d'autres personnes. Bonjour, monsieur le recteur. Pénonce Banco. Comment ça va? Matré, Chandic, matré. Très bien, Chandic, très bien. L'arrêt d'Inta, Trémédenma, des pardons de Zanterne, pas chapelle Kérisel. Oui, dites-moi, est-ce que le pardon de Saint-Hernin dans la chapelle de Kérisel s'est bien passé? Matré, Chandic, Kazadut, Waban Auvergne, d'Herveré. Il y avait de Beuré, oui. Il y avait beaucoup de monde à la messe le matin. À Kemendel, Vidarcuspero. Et autant pour les vêpres. À Calzadut, au chômage de Vidarwario. Et beaucoup de gens sont restés pour les jeux. Pesarwario. Quel jeu? Sacheden War Gordon. Oui, alors le tir à la corde. Reda de Guardroite. La course à pied. Basiout. Basiout, ça se traduit pas. Basiout, c'est Basiout. Gouren. Gouren, ça se traduit pas non plus. C'est la lutte bretonne. Hein. Tolmin Pouis. Oui, on jette le poids. Alors, c'est des poids de 20 kilos, hein, il faut spécifier quand même. Zevel en Arel à concours boulot. Oui, lever de l'essieu, et puis concours de boule, bien sûr. Krog et ma neus en tantad. Et le tantad a bien pris, le feu a bien pris dans le tantad. Ya, a roi de was zermat. Le bois était bien sec. A quand on aurait endut? Et les gens chantaient. Ya, azur, endut d'ablige des canons et brezonek. Les gens aiment bien chanter en breton. Ben ablav au gré d'ar pardon, roi Sganar. Oui, l'année prochaine, vous ferez encore le pardon. Ya, m'avait volonté doué. Oui, si c'est la volonté de Dieu, parce qu'il a 87 ou 88 ans, donc il répond tous les ans, m'avait volonté doué. Si c'est la volonté de Dieu. Et on passe à la troisième partie après ce dialogue, ce sera Petras au Neve Ervon. Petras au Neve Ervro. Calzedra ouz au Neve Ervro, e boe Hervé, je dis ouz an. Krogom de tientan, les velkis a custum, gandela bourdouar hag a vue war ar mes. Et donc, vraiment, ba mizme, ba kreiz de mizme, a ba mizme, kandap ge, a vigelar et gwejel. Gwejel vigelar de kandap, ba tout de ferme au bavro, zez o koz o kaz de barkeia, hag eus o handvet kandapek, ane ke kanapé velvelar dvejo. Implige de vigier un hanap d'oper calzedra ou vel cordenou, vel ne d'or d'enve, vide ua derrien. Blasou vel rad roas, kanab breis, d'or bub sortrou, da square ve meske gorra et vide la cadoireur, ur mogerio, galak vel arze, chaud chanvre. Vigenam zor contandar de stiese gevro, yese gezobé de viscoise londe de bouise breis, Evel, kalz vije o neurot da skwir, vije kand tonne yezeg. Tiezeg puru, tiezeg la ru, ne neus ke gwellor evite. Peru pe melen pe pechar, ar en so mest, war un drouar. A tri rand vasso, o a bet krou et gand ur stad, stad brohal, tiez ur yezeg, de la rade nara vel velar din galak. Hag boer bla dao vilde keman naray ou din dan gal ou den IFC, gal hag e Institut Français du Cheval. Hag breiz oa dao a rav eta bremañ, o nant ba lambal hag on el ba en bon. Hag bremañ moñ de verzan, oa anke de pesa mot vo kont gante, pet vo gret barz. Sort mirdi war dro a yezeg ma trezen, met bon pe moñ de verzo hag naray ou naran ketin, war dro e marou. Bon, dans bon temps, vraiment war dachen en endro. Tregon de l'asso, war straket, kreiz en nuclé el Tchernobyl. Hag Tchernobyl zo en dier, an eus ke moyen de chombar stil, a tro war dro e mameus mo, da ze vo disse pat kantvedou a kantvedou. hag bouez ou bet d'ostra kraden el, ba, Fukushima, ba, ba, bo, Japon, med, amant ba brovranz, pen ou braz, zo dal a bouar, hag n'enkudank de se, an de vokezer et kreizen nukele, le bet mamas fessenheim, vo chom, chomo, an a an enkevezer, ine, pudur, waran ke pe sa mo divon tonne, pudur pe vegwel ba brenilis, an tam central mbi, an a, Nen ke war vid hor kont bet dija gant Brenilis, gant Fessenheim, war an ke pesa mod half an yober. War da chen ur skeul amzor, bremañ pe ur hin velard bremañ. E se zo ur nang mwa ke be klevet pe oan. Ya war ur hin, hien, H-I-N. Mi der o la skeul amzor, plijor adin gwella. Waler an ur ver an vraz oa bet... ged COP 21, COP non noir du gen, hein. Ba Paris, zo bet zinet ba New York, un emglev oa bet kavet ba Paris, hag gwelet vo ba namzor de zon, nag e vo e fe du ze vid ske lamzor. War da chen en an dro oas, mondera oa rog lin en tou an TGV, tiz vraz, tre Paris a roazon. A pe vo er, chu e labour, bon, ne vo ke lak me di rentr tin, de zon de Paris de Vengam. Pe oan yo an vi j'ai lak e seizer, de zon de Paris de Betagouen. Bon, me un dud gammer e amzor, un de gomz ban train, un de chak al tambo bouet, kasi bop du j'ai chak bouet het a het gant an et. E vet o bon de ce que c'est, quoi. Bon, hag vej, ba, gwem bamb vij etap un autocar jan ma igle, ala ke dir, dir pe dir, antor de zon de zven gamb beta, beta purit. Dan mon tom, war dro, un politiker es bromen. Per ugen blasso, den tri un viz mei, min lo han hwer a tregon, e oa ed un maud vid de vota degou, gant ta leur bobl, galek front populaire. Ne oan ke gande de houlse, pu dur an gande degla waler, Mais car a din oa meus be rana a veze, peutur tiem edel, meus be klev komz de ze, pe oan yo an. Un dud gante de ze, bon, pel oa l'air, peutur oa bet roed di ouzun vakans ou d'un dud, juz oa l'air ze, a ze oa ker vid an ouvrier, yen re oa ba mez evro, ni oa gal don de vro, pat pem zekte. Hag deus pe sobet oaz, Bolitikour, yon eus un tugwen, l'ar e oa ken an dravad rei konje d'an ouvrier. J'ai be rivine de ur stal yo ganze, kouste pel redier. A gous kout e bremañ, gredan ke zo politik ur bet a houlfe kinig supprime ur vakans ou d'an ouvrier. Met de houls, se zo vel votadeg ou mer, oui, j'ai l'arme à mes mots, j'ai vu l'on dras pontus, oui, de démocraté l'us. Il y a un gueuleré de chancheur entre eux. War da chen ur sport, vraiment. Kal se du de brei, se zo dide, net gant ur edadeg ou war vélo. Vo epel zo, pe oan yo, bon, un dud, vo dide net kri, gant un tour de France. Hag l'ar meustar a vegel vo gré de Telven ou ba Carrez, vide de Jean Robic, Luison Bobet, à Bernard Hinault. A neus ke pelzo, ou a Bellid, de Perugen la Raymond Poulidor. Et ce n'est que des œuvres, mais plusieurs écales devraient être en état. Bon, mais blanc me ne dramno que de un tour Breis, lance oreille de Zménez en Mitchell, les au Babro Normand et Hervé Clet, à Monderail du Stu, Warzu, Reisté, Dréanger, Saumur, Limoges, Betag Menezio, Ur Pyrénéen. Bon. A jusma, peve komz de ze redadek, de ze redadegou, evel jus e red komz de ze redadek zo bet vid ar brezandek. A zo echu de seiz de vizme, oa echu de ba lokalman don, ba bro gwened. A pad ur zun, dek de mam eus ar redadek neus gret 1650 kilomet oa rien chou breiz. Tram ne de am ba vro ba... ba boulevriak, ba laruan, ba rostren, ba tiar grist, hag an tamm partout oa gret gwellio vid igemer ar redadeg, a ze zo bet bra hardi, hag pe oa ba lokal mandon, oa pem kan zon ar mezon, o son hag kalz oblijadur. a bon de gozir a zizo un tamm an arwez de ze startijen zo an dro d'an brezant. War dachen ur yez oaz, vichon mon tamm war dachen ze venadur, pel zo zo breiz kalz livourien, am a zo ler an eus bet zo bet kalz livourien e pondaven evel just. Hag ba pondaven oa bet tud vel Paul Gauguin, Paul Serruzier, Émile Bernard, bon, a kalz a reel, an eus bet livet trou, ba pondaven, hag or mirdi oa bet krouet gant parouz pondaven, tregont lasso, hag mirdi zeus o bet rad nevezet, just mad, vid digemer, kant mil dud bet plat. Hag klevem eus komz de se, neus ket gwall bezo, eus klevet oa ket bet laket an brezon eus bet ba mirdi, a set eus o betud, neus gret o gantel brezon eus fent, justement, an tamm bastu maïta, vid koul ve fe bet laket me mesra an tamm brezon eus peut dire, pondaven zo ba oar an terro ar brezon eus. Bon. Oar ma meus tachen livourien, ma peusoan, pa de nan vo ba rostren an diskwet adek, gant tolenou bet livet gant Simon Ormogne, hein, zo bet gant ba Tregorn, ba Margor Tregorn, e gronvel, hag zo mar ba naunet, a gant oa ba milno an onek, hag mar ba naunet de Deauville 1. Hag bon, met komzorin tro mo de ha gomp de se ben ur vegel oaz, deus un diskwezad vo ba rostren gant tolenou Simon Ormogne. Vichon mouardachen ur glad, ba la ruen zo bet zavet nevezo ur gevridigez, evit ha tiampen un tig a artir gar, oa bet zavet war linen zo tre gwen gam a zan Nikolas, ba bla mil no han per a war nugen. Hag bon, a yo a kwed an peudur a linen eus ket pa de me perzeg la, hag gar oa bet dileus ket an besotud o chombarz, me bet e dileus ket war ze. Hag bon, se zo un tamm deus glad, hein, deus glad ur vro. Hag bon, moyen vo de konto de se, deus tout peso tramenet ba gar, deus linen. Hein. Ur gant aouen oa bet gret, pe oa bet zeret, ba mil no an eiz a tre gant Jean a Gustave Godek, deus Gwergini ou ba Parouz Margan, oa bet gret ur gant aouen oa an ton polka, Villard oa trist zerie linen. Hein. Di war de tient tambla, Hervé meus klevet, nagon zako bihan ne vo dim supprimet, ya supprime le vo a kasse mes vro, hag un emplo aérien e chomo un repos, de dédi ouz an ur bla, la roke navo, ur vro manzo redre de gavou don, Tako, a hir e ar gano an ar nikevel un tom. Be oa en rol de vid kaset en ar roplin, jizmad. Pe on komz deus ar glad, oaz gout o ram e bulat o nan deus parouze ou l'erz o mu an e draou, oa dach en ar glad. Jizmad, nevezo zo begret un DVD gant Jean-Paul Roland hag Michel Barachetti, a ma trezen peus klev de Jean-Paul o komp de se war ben abad un tud de zevro. Hag bon, ba bulat evel just, hein, zo kalz draou de vel, hag an un DVD, zo moyen de vel kalz draou diz han av, de massen un dun, han an ket tout. De zul pemze gevizme, zo ba zan servez, on o stal artizanet, o mar an traou gret gant artizanet, Gret gant ar gevredik ez a zo hondet Anatol, zem eus kaad bra, peudur Anatol braz oa gant ne bazan servez, hag Anatol e displegat ur deus un an e Association Nature Artistique totalement ouverte, libre et enjouée. Ah, c'est mignon. Anatol. Ah, oui. Zem eus kaad bra ou quoi. Hein. Hendel war dache de glad, oan deus ke gwal bezo, oa bet staj zoner eus model ba chapelne, a zo bet war dro hantor kan e dud, ba staj, a zezo mat. Hag a vide chu war dachen e glad, Philippe Guillou, Nesgret, dans le tel film Neve, Warestad, Tirecube, Bacares, Ya, Agazo, Rehir et Ontam, Vitramen Bantele, mais on voit être Crénonan Ontam de Metramen Rey Bantele, hein, Warestad, Tirecube. Bon, c'est une même grève, Ontam trop de tout se pessonner, en roi, ça veut faire de l'art, mais Benvegel, vous comme ça, roi. Kenon, Eri. Kenon, Ya.